l'histoire du roman. Notre invité du jour, c'est Marcel Benabou, écrivain, historien, secrétaire perpétuellement définitif. Définitivement provisoire. Je sais. grâce à Paul, d'ailleurs. Grâce à notre président favori, Paul Fournel, ici présent. Vous présenter un petit peu la séance qui va venir. J'ai proposé à Marcel de commencer, comme je l'avais fait dans la séance consacrée à Paul, par parler un peu de son œuvre, et en particulier d'un livre qui s'appelle Jacob, Menahem et Mimoun, une épopée familiale, hein, qui a été publié en 1995, c'est bien ça, aux éditions du Seuil. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de prononcer une communication dans un colloque consacré à la littérature et à l'architecture, à l'Université de Nanterre, une communication sur ce texte. Et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de l'entendre, et ça permettrait surtout d'entendre parler de l'œuvre de Marcel Benabou, à partir d'un texte en particulier. Et dans un deuxième temps, on l'entendra lui-même nous présenter l'ensemble de son travail. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette séance, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez.